to the cross. Yeah. À l'arrivée du Tour de France, y'a du monde à Paris. Les fanatiques et les joyeux, les touristes et les flics. T'attends 20 minutes pour voir passer la chaîne publicitaire, une trentaine de bagnoles. Sur le y a des fauteuils qui battent les jambes de Miss Tour de France. Ce soir ils en vendent encore. Et les coureurs arrivent, les bleus font pas. Les gens applaudissent, bravo! Et voilà, tout est fini. À l'année prochaine pour l'arrivée du Tour de France. En fait, je regarde ça. Vas-y, Bernard! Attention, parce qu'il y a des coups sur la route. Défense de chien. Il ne faut pas.